Section 65 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 65. Les amours de Gilles, livre 2e. Pulcinelle par Louis Morin. Chapitre 8. Salut Gilles. Les causes de l'exil du comte Mégroni n'avaient jamais été bien connues. On disait à Venise qu'il avait conspiré contre la République et que la preuve en était dans le soin qu'il avait pris de faire passer la plus grande partie de son immense fortune aux mains de financiers étrangers. Ses partisans affirmaient qu'il avait été la victime de puissantes familles rivales, et que sa prévoyance était très justifiée, puisqu'il connaissait de longue date ses ennemis et la force dont il disposait. Toujours est-il qu'il se posait en victime et qu'il se disait le meilleur citoyen de Venise. Coupable ou non, il était bien vu à Florence et il recevait ce qu'il y avait de plus considérable dans le pays. C'était un homme prodigue, sot, vaniteux, et qui aimait fort la louange. Cornelio savait bien à qui il avait affaire. Mégroni habitait l'un des plus beaux palais de Florence, une de ces colossales maisons carrées qui reposent sur des blocs de marbre brut, s'entourent d'un large banc de pierre hospitalier et tendent comme des bras, en travers de la rue. Leurs torchères de fer forgé cornent un anneau monstrueux. On livra aux comédiens une salle immense et on mit à leur disposition une armée de laquais à eux d'installer leur théâtre. Cela fut fait assez rapidement et au jour dit, la scène fut prête, la salle aménagée et les acteurs très sûrs d'eux-mêmes puisqu'ils avaient des rôles écrits et qu'ils les savaient. Avant le lever du rideau, Mégroni avait fait placer ses invités, les dames sur les premières banquettes, les hommes au fond. Il disait qu'il ignorait ce qu'allaient jouer ces comédiens. Quelques pantalonnades, mesdames, dans le goût de nos farces vénitiennes. Vous excuserez l'insuffisance de ces pauvres diables et que j'ai trouvé ici fort mal en point. Vos senterelles les ont peu amicalement reçues et mon devoir de compatriote était de leur procurer un petit bénéfice. Aidez-moi dans cette charité et soyez leur favorable. Les dames promettaient d'un sourire et d'un signe de tête. Le rideau s'écarta. Lélio et Gilles parurent. Ce fut Gilles qui attira tous les regards. Il était charmant dans son costume de flanelle blanche. Il était tout blanc, des pieds à la tête, hors les nœuds de ses souliers qui étaient de ruban rose. Blanc était son large pantalon. Blanche sa courte veste, blanche sa large collerette molle. Il avait coupé ses cheveux, serré sur son front le serre-tête blanc, et son chapeau mou était de feutre blanc. Et son visage aussi était blanc. Il n'avait point eu besoin de s'enfariner la face. La misère des derniers mois et sa récente maladie lui avaient laissé la pâleur liliale qui convient à l'amant de la lune. Dans son visage, d'une parfaite unité de ton, ses yeux noirs brillaient, soulignés par le trait rouge de sa bouche, qu'avivait une pointe de carmin. Moins rustique que le personnage de Bertoldo, si populaire en Italie, moins brutal que Gros Guillaume, l'enfariné français, il se rapprochait du Prodolino, du Pierrot italien. C'était le Gilles tout jeune, le doux Gilles, le malin et innocent Gilles. Le Gilles poltron, le Gilles agile et maladroit, le Gilles élégant et balourd, le Gilles beau bailleur de baliverne, beau faiseur de malice, grand diseur de vérité, le Gilles très sincère et très menteur, le Gilles amoureux, le Gilles lunaire et mystérieux, le Gilles si triste et si aimable que Watteau dresse en une pose d'hiératique ingénuité au milieu de ces portraits de la comédie italienne. Pietro eut d'abord un succès de beauté, puis un succès de talent. Ses incertitudes de débutant parurent de profondes combinaisons destinées à faire comprendre la grâce timide du personnage, sa malice prudente de jeune chat, puis ses soudaines témérités, ses stupéfactions peureuses, ses affolements irraisonnés, toute sa mobilité, ses fluctuations nerveuses. Le rôle que Cornelio lui avait écrit était très habilement composé. Il le montrait naïf dans son dévouement à son maître, souple et amusant devant le roi Pantalon, jusqu'à capter toute sa faveur, terrifié devant Pulcinelle et ourdissant cependant dans l'ombre, avec une patience rusée, la trame subtile qui doit l'envelopper. Plein de grâce aimable et discrète avec la princesse Isabelle, qu'il aime en secret, si timidement qu'il n'ose se l'avouer à lui-même, et le laisse seulement deviner aux spectateurs, héroïque, enfin dans sa dernière lutte avec le traître Pulcinelle. C'était un rôle aussi important que celui de Colombine dans les fourberies. Il tenait toute la pièce. Une scène fut très applaudie, celle d'un rendez-vous que la princesse Isabelle accordait à Gilles, lequel, de la part de son maître, lui remettrait un billet et un bouquet. C'était dans le jardin du roi, sur un banc champêtre, sous un grand noisetier qui faisait tonnelle au-dessus de leur tête. Comme elle était jolie, la petite Paquette, avec ses vêtements fleuris, sa gorge ronde de 16 ans, ses petits pieds chaussés de mule d'or et sa figure candide, si doucement éclairée par des yeux tout pareils à des bluets ouverts. Elle avait des manches courtes, venant au coude. Elle tenait le billet des deux mains, du bout des doigts, et pour le lire, montrait les paumes de ses mains mignonnes, de ses mains oisives de petite actrice. Gilles était à genoux devant elle, comme il convient à un jardinier qui parle à une princesse. Et vraiment, il oubliait un peu son rôle de messager en répétant les paroles amoureuses dont l'avait chargé son maître. Mais cela ne choquait personne, la chose se passant dans le pays du rêve, dans ce lointain bleu de féerie que la toile du fond continuait en perspective. Ils semblaient tous les deux, les petits acteurs, avec leur grâce distinguée, appartenir à cette noble société qui les applaudissait. Ils avaient l'air d'être, et ils l'étaient en effet, mais qui le savait? Les descendants de ces races qui s'élevèrent jadis par la force et les armes, qui s'affinèrent dans l'opulence et qui finissaient maintenant dans une délicieuse et mièvre corruption, dans les raffinements du luxe et de l'intelligence. Toutes les dames eurent un petit cri d'angoisse lorsque le traître Pulcinelle apparaissait tout à coup dans la cérémonie du mariage de Lélio, se vengea lâchement de sa défaite en brisant de sa trique le crâne du pauvre Gilles, du fantoche aimable qui les avait amusés et fait rêver peut-être la soirée durant. Mais on ne put y penser longtemps. Il fallait féliciter le comte Mégroni, lui faire voir qu'on l'avait bien reconnu et qu'on associait de tout cœur à la manifestation que ses compatriotes avaient faite. C'est à quoi la société s'occupa. Le comte était radieux, protestait que vraiment il n'avait point vu l'allusion et qu'il la souffrait difficilement, étant de ceux qui s'inclinent avec respect devant les décisions du pouvoir, si injuste qu'elle soit. La pièce eut tant de succès que tout le monde pria Mégroni d'en faire donner une seconde représentation. Elle eut lieu quelques jours après. Dans l'intervalle, Cornelio reçut du comte une bourse contenant 1000 ducats. C'était plus qu'il n'en fallait pour regagner Venise. Vive Pietro ! C'était à lui qu'on devait en partie cette bonne fortune. Certes, la pièce du signor Cornelio était un chef-d'œuvre, une merveille, mais si Pietro n'avait pas été là, personne n'eût pu remplir son rôle. Le pauvre Scapin tremblait la fièvre sur son lit d'hôpital, la figure rougie par l'horrible maladie. La seconde représentation eut le même succès que la première. On ne parlait que de Gilles à Florence, mais Cornelio ne voulut pas profiter de ce commencement de réputation pour conquérir le gros public florentin. On attendit seulement que Scapin fut convalescent et la troupe s'installa de nouveau dans les chariots de voyage, emmenant le pauvre diable dont la tête était couverte de bandages. Pietro fut admis comme pensionnaire dans la troupe et changea son nom de Pietro pour celui de Gilles. Fin de la section 65, lue par Margot.